pas vous dire que ça va mal en fait. Ma vie n'est qu'à l'enfer, c'est juste une parenthèse. Mais j'aimerais juste avoir mes parents prêts. De moi, c'est bête, non? Je sais même quoi, j'ai le même ça. Mais pourtant, moi, je reste là. Je me dis qu'en fait, j'ai tout le temps, frère. J'ai le goût de sans merde. Je rappe et t'écoutes sans deck. Je défoule l'enfer. Au final, je résonne quand le tout s'en mêle. Entre le vrai et le faux, la flemme et les fêtes de trop. Avoir le flair de fauve, ça sert. Je connais des bêtes de zoo. Je raffole quand les patrons se trompent. Pour toi, c'est la même merde qu'hier. Certains hommes viennent au monde pour ne devenir que des serpillères. Les langues sont délayées. Aux parleurs sans les médias. Des orateurs par milliers engagés dans la guérilla. Mais laissez-moi me purger du mal qui m'abrite en fait. J'ai crié aidez-moi, victime de l'homme et de sa mise en scène. Mais je n'ai trouvé que l'écriture et des boucles rythmiques. Forger ma tessiture, tremper la mine dans une gourde de ricine. La vie passe tellement vite que je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. Dans la ville l'homme courtise le mal tout en cherchant le bien. Mais à chaque larme essuyée, il s'acharne à vomir son destin. Personne n'a les mêmes cartes en main, y'a pas de jeu qui se ressemble. Évite le croupier malhonnête, il n'a que son âme à vendre. Parle-moi de tous ces champs de trèfle à quatre feuilles qu'on vient y récolter la chance. Afin de voir les cœurs en transparence, j'écris mes phases pour pouvoir décrire le décor. Et je dédicace aux traîtres qui piquent mon corps sur un coup de poker. Des couples ont réglé un malentendu sur un coup de nerf. Des hommes ont lacéré des femmes sur un coup de poker. Des hommes et des femmes ont tout perdu sur un coup d'éclair. L'orage a balayé les flammes. J'écris dans l'espoir que le monde se lève d'un sommeil léthargique. Je souhaite tant que les gosses de demain aient enfin le déclic. En air connexion, fier de parler d'équipe. Gardez vos convictions, nous on aspire à garder l'éthique. La vie passe tellement vite que je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite que je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. J'étais son chip leader, celui qu'elle connaissait par cœur. On était les seuls joueurs devant ce flop de bonheur. On faisait la paire, même dans le noir on traçait sans se perdre. Quinte et flush royal, je détenais le code couleur. Ce n'est pas du bluff, j'ai su faire battre son cœur. Désormais je n'ai plus les cartes en main, c'est une partie sans lendemain. Le tapis vert annonce la fin. Le cœur brisé après un tour de table, c'est l'heure de l'abattage. Les jeux sont faits, tout est carré. Je n'ai plus de jetons, man, c'est terminé. Le croupier a parlé. C'est lamentable, amour vache, amour crado. Un produit qui tout double dans ma tête, c'est le chaos. Sur le carreau, la suite est bien définie. J'ai perdu mon lingot depuis la partie est finie. L'amour un coup de poker, j'ai tout gâché. Cette passion meurtrière au fond n'a fait que m'écorcher. La vie passe tellement vite que je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'habille ma rime en speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker.